بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه: هل خروج الدم ينقض الوضوء؟ quand tu saignes du nez, est-ce que ça annule الوضوء؟ قال: ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء. il n'y a aucune preuve que cet écoulement de sang ça annule الوضوء. on a des adillah que l'écoulement de sang durant son cycle, bien sûr, ça annule l'eau, elle ne peut plus faire salat, etc. Elle ne peut pas jeûner. Et quand elle est en état de purification, elle doit faire le rousl, elle doit se laver. Thumma, elle peut refaire salat, jeûner, etc. Amma, dans ce cas, que ce soit un homme ou une femme qui saigne du nez ou autre, saigne du nez ou une blessure au bras, à la jambe, n'importe où dans le corps, et l'insan, il saigne. Il n'y a aucun délil à l'heure que ça annule l'eau d'eau. « قال وقد ورد حديث ضعيف أنه ينقض ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. » Et ça, c'est une faïda. Tu pourras trouver un hadith que le saignement du nez, ça annule l'eau d'eau, les ablutions, mais le hadith, il est faible. « وكان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحهم. » Ça, c'est un délil قوي, ça, c'est une preuve très, très forte. « Les compagnons, رضي الله عنهم, ils faisaient salat durant le jihad alors que certains d'entre eux, ils étaient blessés. Et leurs blessures, il y a du sang qui coulait. Plusieurs exemples. Inch'Allah ta'ala, on essaiera d'en citer dans notre cours sur la biographie. Donc ça prouve que ça annule pas les ablutions. Donc deux choses. Il n'y a aucun délil qui prouve que telle chose, ça annule l'eau. Le saignement de nez ici. Et nawaqid l'eau, il faut des adillah. Le sommeil, il y a des preuves. Manger la viande de chameau, il y a des preuves. Avoir des rapports intimes, il y a des preuves. Faire ses besoins, bien sûr, il y a des preuves. Tout ça, on a des adillah. Enfin, celui qui prétend qu'une chose, elle annule les ablutions, il doit apporter une preuve sur cette chose. Un hadith ou un verset du Coran. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on a plusieurs récits. Certains compagnons, radiyallahu anhum, ils étaient blessés et ils ont fait salat. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur a jamais dit de refaire la salat. Ça prouve que leur tahara, leur ablution, ils n'étaient pas annulés. Ils n'ont pas été annulés par ce saignement. قال لكن إذا خشي أن يلوث المسجد فليخرج ويغسل ثم يرجع ويبني على صلاته والله المستعان. Et ça, c'est un point, c'est une précision bénéfique, profitable. Ça peut t'arriver au masjid. Tu peux avoir un saignement de nez, خاصةً s'il y a beaucoup de sang. Et tu as peur de te salir et de salir le masjid. Tu as le droit de sortir de la salat. Tu sors de la salat et tu te laves. Thumma, tu reviens et tu continues ta salat. Hakada qala al-Sheikh Muqbil, rahmatullah alayhi. Al-Marji, la référence, Ijabatu al-Sa'il, un livre, un regroupement de fatwa de Sheikh Muqbil, rahmatullah alayhi. Donc, le résumé en une phrase, anna, le saignement donné, ça annule pas les ablutions. Wallahu a'lam. Naktafi bihada wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu.